de Macron, les citoyens ont vu augmenter le diesel. Il n'y a plus d'argent au début du mois pour acheter du Damien. Les politiciens sont corrompus, ils ont augmenté le diesel. Il n'y a plus de Damien au début du mois pour acheter du diesel. Mais un jour viendra le providentiel qui destituera toutes ces aisselles. Refuse un bon rasoir de scander le nom de Serge Petit-Déjeuner. Serge Petit-Déjeuner, les grands mecs, tu vas les crever. Serge Petit-Déjeuner, garant de la prospérité. Les Français n'en pouvront plus de voir le diesel augmenter. Mais viendra le jour du salut avec la venue de Petit-Déjeuner. Tu t'es battu contre les frères et la sécurité routière. Tu nous guideras jusqu'au grand soir, jusqu'au firmament de la victoire. Serge Petit-Déjeuner, pour toi rien n'est impossible. Serge Petit-Déjeuner, fléau de Dieu incorruptible. Serge Petit-Déjeuner, Serge Petit-Déjeuner, Serge Petit-Déjeuner, Serge Petit-Déjeuner. Gloire à toi, notre grand souverain, trahi honteusement par Jasper Mader. Tu montres du doigt les mougères avec Windows Movie Maker. Dans la France de Macron, les bougnoules, on nous alloque au début du mois pour acheter du Damien et pour vendre du Damien. Petit déjeuner sera la devise des hommes pêchants en temps de crise. Le code de la route sera respecté et résonnera dans le monde entier. Petit déjeuner, Apollon de l'imposer. Serge, petit déjeuner, fléau de Dieu juste et passé. Serge, petit déjeuner, les fromages tu vas les crever. Serge, petit déjeuner, les bougnoules tu vas les crever. Et c'est le bougnoule. Oh, le tué ma mère. Serge Petit-Déjeuner, Zigaille.